Chapitre 12, ça se corse. Au printemps de 1915, les mesures de surveillance policière acquirent une recrudescence de sévérité. Une promenade sur la chaussée, une visite à domicile, soit chez un parent, soit chez un pauvre, soit chez un malade, tout cela était observé et minutieusement épié. Au cours d'une simple promenade à travers les allées d'un jardin, il n'était pas rare d'apercevoir derrière soi un œil inquisiteur, percé comme une flèche à travers le feuillage. Incessamment, nous nous sentions talonnés de tous côtés. L'infraction la plus insignifiante au règlement de l'autorité occupante, et Dieu sait s'il en était affiché sur tous les murs de ces règlements, était punie de fortes amendes ou de prison. Le torpillage du Lusitania eut lieu vers cette époque. En cette occasion, une aigreur nouvelle, pour ne pas dire plus, s'était fait jour dans l'âme de l'Anglais. Tandis que chez l'Allemand, ce qui perçait, au contraire, c'était un sentiment d'orgueil et de domination plus accentué. De même que l'on venait de déchaîner le terrorisme sur mer, de même on voulait semer la terreur dans tout le territoire occupé. Tout cela contribuait à nous faire désirer plus ardemment encore de sortir de la Belgique et de revenir au Canada, d'autant qu'un des médecins de Capellen était rentré. Le 15 mai 1915, à 9h du matin, un messager vint me dire que ma présence était requise à la maison communale. Ce n'est pas sans appréhension que je m'y rends. Dans le bureau du maire, je me trouvais en présence du maire lui-même et d'un sous-officier allemand. Le maire, qui était un de mes bons amis et qui savait parler du regard, me dit en me lorgnant d'une certaine manière « Ce sous-officier désire vous parler. »« Qu'y a-t-il » demandai-je au sous-officier Bosch. « Vous devez, me répondit-il, vous rendre immédiatement à Anvers. »« Très bien, je vais m'y rendre, à la minute, sur ma bicyclette. » « Non, reprit le sous-officier, vous faites mieux de laisser votre bicyclette ici, à la mairie, et je vous prie de m'accompagner. » 4 minutes plus tard, nous arrivions à la gare, transformée en poste militaire comme toutes les gares du pays occupé. Le sous-officier m'indiqua une salle d'attente où j'entrais et me trouvais au milieu d'un groupe de soldats causant et fumant. Un de ces soldats reçut un bref commandement. Il se leva, s'affubla du casque à pointe, passa la bande de sa carabine à son épaule et me dit simplement « Kommen Sie mit !» Ce qu'avec raison j'interprétais comme voulant dire « Venez avec moi !» Pour la première fois, j'avais l'honneur de parader dans les rues avec un disciple de Bismarck. Les gens de Capellen, qui me connaissaient déjà assez bien, se plaçaient sur le seuil de leur porte pour me voir passer. Quelques minutes plus tard, nous étions à Anvers. Je fus conduit à la Bourse, immense édifice, qui avait eu l'honneur de recevoir une bombe lors du raid aérien du 25 août 1914. Les Allemands avaient installé dans la Bourse un bureau de contrôle pour les étrangers. Je l'ignorais alors, mais je l'appris en assez peu de temps. Je fus introduit dans une certaine pièce sur la porte de laquelle j'avais lu le nom de l'officier en charge, le lieutenant Arnim. Je prie le lecteur de croire que je n'oublierai jamais ce nom, pas plus que le personnage qui le portait. À l'intérieur de ce bureau se trouvait une table assez longue, à l'extrémité de laquelle 2 militaires étaient assis. À gauche, un officier de taille exiguë et mince de figure, et à droite, un sous-officier de corpulence respectable. En m'apercevant, l'officier m'apostropha d'une manière violente. « Monsieur, dit-il, vous vous seriez évité l'ennui d'être amené ici, sous escorte militaire, si vous vous étiez rapporté, comme c'était votre devoir de le faire. »« J'ignorais, monsieur, qu'il fût de mon devoir de me rapporter. »« C'est faux, reprend l'officier, en haussant le ton notablement, c'est faux. » J'ai fait afficher dans toutes les communes de la province d'Anvers un avis enjoignant à tous les sujets des pays en guerre avec l'Allemagne de se rapporter dès avant telle date. Vous ne pouviez pas l'ignorer. Assurément, je l'ignorais. Où donc à Capellen avez-vous fait afficher cet avis? À la maison communale. Eh bien, j'habite à 1 kilomètre de la maison communale, et je n'y vais jamais. Il est inutile de tenter une explication. Vous vous êtes sciemment et volontairement soustrait à la surveillance militaire. Et remarquez, dit-il, que cela est très sérieux. « Monsieur, lorsque vous affirmez que je me suis soustrait à la surveillance policière, vous vous mettez en contradiction avec les faits. Ce que vous dites là n'est pas conforme à la vérité. » Comme poussé par un ressort, l'officier était debout. « Comment, dit-il, qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Simplement ce que je dis. Que je n'ai jamais eu l'intention d'éviter de me conformer au règlement que vous avez affiché. Vous le prenez de haut. Croyez-vous donc que nous ignorons que vous êtes sujet britannique ?»« Je ne l'ai jamais pensé. » Vous êtes sujet britannique, n'est-ce pas? Vous êtes sujet britannique? Vous l'avez dit. Alors, si vous me permettez, je reprends l'accusation que vous avez portée contre moi, et je vous ferai une simple question. S'il était établi que le chef de la police militaire, allemand, ici même, à Paris, me connaît personnellement, qu'il m'a rencontré plusieurs fois, que nous avons échangé de longues conversations, qu'il connaît ma nationalité, qu'il sait sous quelles circonstances je me trouve être en Belgique, pourquoi j'y suis venu, ce que j'y fais, et enfin ce que j'ai l'intention de faire, seriez-vous toujours d'opinion que j'ai enfreint volontairement les règlements en ne me rapportant pas à ce bureau ? Mon officier, visiblement décontenancé, attrape le téléphone et se met en communication avec le chef de police. Il obtint évidemment satisfaction, car il en rabattut considérablement, et dans son ton menaçant et dans son attitude hautaine. « Bien, me dit-il, vous deviez pourtant savoir qu'en votre qualité d'étranger, il ne vous était pas permis de circuler sans une carte d'identification. Nous vous donnerons donc votre carte, et vous devrez vous rapporter ici toutes les 2 semaines. » L'officier devait décharger sa colère sur quelqu'un. Il se tourna du côté du soldat qui était toujours là, planté comme un as de pique, lui lança le plus brutalement possible commandement de se retirer. « L'os, sort !» Le pauvre, le soldat, pauvre esclave, se frappe les talons, frappe ses cuisses de ses mains, regarde fixement l'officier, son maître, fait demi-tour à droite et enfile la porte. Une heure plus tard, pas trop ennuyé en vérité, dans mon excursion, je rentrais à Capellen, où j'étais immédiatement entouré de ma famille et d'un groupe d'amis qui désiraient savoir le cours et le long des événements de la journée. Muni de ma nouvelle carte, j'étais apparemment en toute sécurité, et je pouvais circuler librement au milieu de mes malades. Au bout de 2 semaines, je me rapportais de nouveau à Anvers. On visa mon passeport, et je continuais de respirer, du moins pour un certain temps, l'air de la liberté.